fraîche. Depuis minot, on sait faire de la fraîche. Soleil plein, je ramène de la fraîcheur. Y'a trop d'espèces, y'a pas de passagers dans le Boeing, y'a que des hôtesses. Moi chérie, on décolle, attache ta ceinture Hermès. Tu parles trop pour te payer le cachet et hasta luego. Hasta luego, bambalé. J'suis le roi de la mélo. Plaque algérienne, je sors de Maranello. Quand j'suis en Indé, en Cayano. J'suis en survette dans les rues de Monaco. Si t'as pas de jolis pieds, on fait du blé, on fait de la moula toute la journée. Tu veux mon bif comme X-Tentation, faudra m'allumer. On fait que des hits comme Maluma, je les fais tout danser. En choqué sur la luna internationale. L'Alger il est où? Il a trop d'adresses. L'Alger comme en bas, Alhamdoulilah, khouya les baisses. J'suis à Bora Bora, même de la page en caisse. T'as de nouvelles chaussures, j'ai une nouvelle caisse. Je sors de Maranello. Quand je suis en Indé, en Cayano, je suis en shopping dans les rues de Milano. Si t'as pas de jolis pieds, on fait du blé, on fait de l'amour.